c'est d'abord une culture. Quand on est en DevOps, on prend tout le monde. DevOps et Agile font effectivement partie de la même famille. La virtualisation applicative, c'est très bien. Aujourd'hui, ça nous prend 10 minutes et un café. Ce n'est ni être dev, ni être ops. C'est avant tout de la communication. Ce mouvement DevOps, c'est tout simplement drivé par la communauté et endorsé par les entreprises. J'ai adopté une démarche DevOps. Le développement agile. On a accéléré le déploiement. Ça amène une clarté sur le travail de... Être dans une démarche d'amélioration continue. On se retrouve face à des... Travailler naturellement ensemble, ça donne des résultats concrets. DevOps. L'objectif individuel, ça s'atteint, alors qu'une ambition, ça se partage. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouveau numéro de DevOps. Alors, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas eu et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir deux nouvelles personnes. Alors, je dis nouvelles parce qu'elles sont nouvelles dans les podcasts DevOps, mais en fait, je suis sûr que vous les connaissez si jamais vous traînez un tout petit peu sur Twitter. Et on va commencer, honneur aux femmes. Bah, Texan Network, Cécile Morange dans la vraie vie et je suis technicienne système réseau et data center dans une petite boîte qui s'appelle Aquarée. Super. Et avec moi, on a aussi... Alexis Lamère, ingénieur système et réseau, actuellement chez Weborama. Bah super. Et donc, Guillaume Letron, et je suis toujours indépendant, DevOps, expert Kubernetes, etc. Et j'en passe. Et alors, comme vous l'avez un peu vu bah alors, au titre de l'épisode, et même aux invités que j'ai, on va parler réseau. Et ça tombe bien, on est donc le mardi 5 octobre 2021. Et hier, il y a eu un événement... Alors, c'est la première fois à cette ampleur-là et je pense pas que ce soit la dernière, mais en tout cas, on va pouvoir en parler. On a eu le grand Facebook Down. Peut-être je vais laisser Cécile, vu que tu as fait un live tweet hier assez conséquent, nous résumer un peu ce qui s'est passé le 4 octobre. Ça marche. Je vais commencer par ce que j'ai vu de mes propres yeux. Donc, ça a commencé vers 17h, il me semble, où j'ai eu les premiers tweets. Je traînais sur Twitter, j'ai vu les premiers tweets qui disaient « Ah tiens, Facebook, c'est marrant, ça marche plus. Puis Instagram, ça marche plus. WhatsApp, ça marche plus. » Je me suis dit « Ok, il se passe quelque chose. » Et puis, je commence à faire mes petites investigations réseau. Et puis, je me rends compte que le nom Facebook... ne résout plus en DNS, donc ça veut dire que le serveur DNS ne peut plus faire la correspondance entre facebook.com et l'adresse IP associée, donc ce qui a pour conséquence qu'on ne peut plus accéder à Facebook simplement. Et donc au fur et à mesure de mes recherches, je me suis rendu compte que Facebook en fait n'annonce plus ses propres adresses IP. Donc j'ai fait une analogie sur mon live tweet, si vous voulez lire, c'est sur mon compte Ataxia Network. En fait, il faut imaginer que Facebook, c'est une île parmi tant d'autres îles qui sont représentées par les opérateurs et les FAI associés et les FAI, donc ceux qui vous donnent internet chez vous globalement. Et chaque petite île est reliée par des ponts différents avec un protocole qui s'appelle BGP. Et en fait, ce qui s'est passé avec Facebook, c'est qu'apparemment, ils ont fait une erreur de configuration sur leur routeur, donc les routeurs qui permettent de transiter les paquets entre les différents réseaux. Et en fait, ce qui a eu pour conséquence que tous les ponts qui allaient vers Facebook, vers les autres îles, si on reprend ma métaphore, se sont cassés. Donc Facebook s'est retrouvé complètement isolé dans son propre réseau et plus personne dans le monde n'avait accès à Facebook. Donc je suis en train de lire mon live en même temps pour retrouver un peu le contexte. Peu à peu, au fur et à mesure des tweets, on retrouve quelqu'un sur Reddit qui est apparemment interne à Facebook, qui raconte que les personnes n'ont plus du tout accès à leur routeur à distance et sont obligées d'aller sur place pour aller réparer les routeurs à la main en branchant un câble et en repush la conf à l'ancienne, quoi, simplement. Et donc après, on retrouve plein de conséquences, par exemple chez les Cloudflare, comme les DNS, les serveurs DNS Cloudflare et Google, qui se prennent énormément d'amplification DNS, parce que toutes les personnes et toutes les applications qui utilisent Facebook retentent en boucle d'accéder à Facebook, et sauf que Facebook ne répond plus, et donc ça fait la boucle infinie, simplement. Et donc finalement, ça s'est résolu vers 23h, à peu près, heure française, bien sûr, où peu à peu, Facebook a eu accès à ses routeurs et a pu réannoncer ses routes et reconstruire les ponts vers les autres opérateurs. Et donc, finalement, l'incident s'est fini vers minuit à peu près, où peu à peu, tout le monde a pu avoir accès à Facebook, à Instagram et WhatsApp de nouveau. Voilà, à peu près pour l'incident. Donc, ça fait combien de temps de down à peu près pour... Alors, ça a commencé vers 18h et ça finit vers minuit, donc 6 heures, quoi, à peu près. Un quart de journée pour l'un des plus grands sites mondiaux, c'est un exploit. Oui, et puis, c'est pas le seul en plus. C'est, Alors moi, j'aurais un avis là-dessus que j'ai un peu exprimé là-dedans, c'est que c'est Facebook et Instagram et WhatsApp. On parle pas de petits acteurs, on parle pas de trois petits logiciels. C'est pas des pages, pas des blogs, quoi. Enfin, oui, bien sûr. C'est ça que je trouve assez hallucinant. Si on revient dans le déroulé, y a un truc que je trouve assez drôle, c'est que la première chose qu'on a vue, c'est que les DNS étaient morts. Il y a toujours une phrase là-dedans, It's always DNS. Ça s'est trouvé encore une fois, It's always DNS. Après, pour le coup, je tiens quand même à préciser que les DNS n'étaient qu'un symptôme. Le vrai problème, c'est l'annonce de ces routes qui permettent d'accéder au DNS. Donc, c'est pas parce qu'on connaît l'adresse d'un correspondant, si toutes les routes pour accéder à ce correspondant sont coupées, on est bien embêté. Ah, mais je suis d'accord, mais c'est marrant, en fait, on l'a vu au début, on a cru que c'était les DNS, encore une fois les DNS, au final, ça s'est retrouvé être un peu plus grave que ça. C'est ça. Donc là, tu avais fait l'analogie tout à l'heure sur Lille, donc c'est les AS. Alors, il faut voir, je suis un noobie en réseau, enfin à cette échelle-là, c'est-à-dire moi, je sais configurer un réseau local classé, enfin genre un truc nul. À ce niveau-là, j'ai jamais touché à du BGP, j'ai jamais voulu toucher à du BGP, donc je vais faire office du candide là, ici. Enfin, vraiment, je suis en face de deux personnes qui s'y connaissent mille fois plus que moi dans le domaine. Et donc, vous, là, comment vous avez l'habitude, vous, de gérer? Si jamais on le voit, donc on va essayer de repartir de votre expérience avant de repartir sur le problème qu'a eu Facebook. Vous, vos expériences des AS, quand vous gérez ça, ça se passe comment habituellement? Alors, avant de pouvoir parler de la gestion des day-to-day, je pense que nos interlocuteurs voudront savoir finalement c'est quoi Internet. Pour beaucoup d'entre vous, Internet, c'est un joli nuage dans un diagramme. Mais je pense qu'on a quand même beaucoup de gens techniques qui vont nous écouter. Oui. Hein, mais ils ont une adresse IP, on va dire. Ouais. Avant tout, Internet, il y a une filiale administrative dont on ne rentrera pas forcément dans les détails, mais il y a un protocole de routage, BGP. Chaque acteur qui souhaite avoir son petit bout d'Internet va avoir pour rôle de se connecter avec d'autres acteurs d'Internet par le protocole BGP pour ce qu'on appelle annoncer leur route, donc leur petit morceau d'adressage IP permettant d'accéder à leurs ressources via le protocole BGP. Via différents types d'interconnexions, des interconnexions, on va dire, via des grands acteurs qu'on appelle les transitaires. Ces transitaires, en fait, c'est des gros acteurs de l'ombre, type Zayo, Telia, NTT, Cogent, qui a beaucoup fait parler de lui avec Free dans la communauté, ou en direct, selon l'intérêt commun. C'est assez marrant d'ailleurs, tu parles, là je fais juste une petite aparté, c'est genre t'as parlé de communauté, et c'est vrai que c'est une communauté quand on n'est pas dedans, enfin je pense que là si jamais il y a un développeur front React qui nous parle, enfin qui nous écoute, il doit se sentir complètement perdu. Hein. C'est un monde que j'entreaperçois par des tweets, par des choses comme ça, mais c'est vrai que c'est un monde à part. Voilà, je digresse un peu, mais c'est pour ça qu'en fait, je vais essayer de faire vraiment le candide parce que je pense qu'il y a certaines choses qui pour vous paraissent complètement normales et qui ne le sont pas forcément pour tous. Et donc là, tu as parlé un peu donc, du protocole BGP, oui. Donc, qui permet, donc, c'est de l'annonce de route. On annonce qui gère quoi, qui fait quoi, etc. Vous, concrètement, comment vous gérez ça? Est-ce que vous en gérez un? Est-ce que c'est... Alors, pour le coup, dans le cadre de mon employeur dispose de son petit bout d'Internet avec ses propres préfixes et son numéro d'identification sur Internet, ce qu'on appelle communément le numéro d'AS. Ces ressources étant attribuées par la partie administrative qu'on appelle les RIR. Le RIR qui gère les ressources en Europe étant le RIP. Ok. Et donc, c'est vrai que, étant donné la taille de l'AS sur lequel je travaille, nous, on est principalement interconnectés via des transitaires qui, eux, ont la connaissance de ce qu'on appelle la full view, donc l'ensemble des routes de l'Internet qui correspond aujourd'hui à peu près à 800 000 routes. Ok. Après, ce qu'il faut voir, c'est que tu as plusieurs niveaux de on va dire, d'opérateurs, enfin, de gens qui ont leur petit bout d'Internet. Tu as les, ce qu'on appelle tier 1, tier 2, tier 3. Donc, les tier 1, c'est à peu près ceux qui connaissent tout le monde et toutes les routes. Et puis après, tu as les tier 2 qui sont un petit peu en dessous, qui vont se connecter au tier 1 pour avoir le reste du monde. Et puis, les tier 3 qui sont tout en bas et qui vont appeler des tiers 2, qui vont appeler des tiers 1, et tu as les routes qui descendent de petit à petit. Et donc vous êtes à peu près à quel niveau c'est Cécile que tu as un. Alors, moi, je suis sur deux niveaux. Au niveau professionnellement, on va dire que je suis à peu près au milieu. Donc, j'ai mon employeur qui, lui, va prendre des routes avec des gens au-dessus, donc des tiers 1 ou des tiers 2. Et moi, qui va avoir d'autres clients qui vont eux-mêmes prendre les routes de mon employeur. Et donc, du coup, nous, on est un petit peu au milieu. Et puis moi, au niveau personnel, moi, je suis tout en bas. Donc, c'est moi qui prends les routes juste pour moi et je redistribue à personne d'autre derrière. J'acte sur deux niveaux différents, pro-perso. Ce qu'il faut bien comprendre avec ça, c'est que ce qui caractérise un petit peu les relations sur Internet, c'est de savoir si on est un AS feuille, donc on est un AS qui redistribue ses propres préfixes sur Internet et qui accepte la full view, donc l'ensemble des routes de l'Internet, ou si on a un AS qui fournit du transit, donc qui fournit la full view d'Internet ou une partie de celle-ci à d'autres AS. C'est ça. Soit tu es en bout de chaîne, soit tu es au milieu de la chaîne, soit tu es en haut de la chaîne, en fait. C'est un peu un arbre, on peut voir un peu comme un arbre, voilà. Quoi. Ok, et donc vous en êtes, donc vous m'avez dit à peu près, toi t'es tier 2 aussi Pour le coup, moi je suis plutôt un AS feuille, je suis un AS qui est consommateur d'Internet. Et pourquoi mon employeur dispose d'un AS, c'est pour pouvoir établir sa propre politique de routage, donc d'être indépendant d'un opérateur type Orange, SFR. Et finalement, si SFR se casse la gueule, étant donné que si j'achète un lien chez SFR et mes IP chez SFR, si SFR se casse la gueule, je n'ai que mes yeux pour pleurer. Si j'ai mes propres ressources et que je les annonce auprès de plusieurs transitaires, si l'un de ces transitaires décide de tomber, comme il y a pu avoir quelques années avec un gros incident qui avait impacté Level 3, si tous les acteurs de l'Internet se sont mobilisés d'ailleurs à ce moment-là pour couper les différents points d'accès avec Level 3, le service s'est rétabli de ce fait-là. Donc, si jamais je résume bien, il y a quand même une relation de confiance qui se fait. J'ai l'impression, moi en tout cas, la seule analogie que je connais dans ce type de confiance-là, c'est un peu ce qu'on a avec les certificats, où on a des certificats donc racines qui sont un peu trustés par n'importe qui, et après on a des décomposés de ces certificats-là, et chacun a son petit bout de certificat trusté par quelqu'un au-dessus. Sauf que là, en plus, tout le monde se discute avec tout le monde dans c'est les. C'est un peu l'idée. C'est le réseau, surtout en BGP, c'est basé sur la confiance. Et voilà. En fait, on compte sur les autres pour pas faire de la merde et pas annoncer n'importe quoi à n'importe qui. C'est un petit peu pour faire l'analogie, c'est un petit peu chacun est chez soi, mais c'est pas parce que il est facile de crocheter une serrure que on va forcément aller crocheter la serrure du voisin, mais c'est pas pour autant qu'on ne verrouille pas sa porte. Ok. Et donc là, quand on parle, donc si on revient donc à l'événement de Facebook, donc clairement il y a eu un problème d'annonce. Donc c'est quoi ? Est-ce que c'est un problème venu de l'AS ? Donc c'est un problème où ils ont envoyé quelque chose de mauvais, ou est-ce qu'ils ont eu un problème ? Enfin, ils ont juste plus rien envoyé en fait. Ils ont arrêté d'envoyer leur route et du coup ils étaient plus visibles sur Internet simplement. C'est comme si leur bout d'Internet n'existait plus aux yeux du monde. D'accord. Et donc, les câbles physiques étaient présents, mais plus personne n'avait la connaissance de leur propre adresse. Et donc ça, en fait, ça veut dire qu'il faut toujours envoyer l'adresse qu'on a, ou est-ce qu'ils ont envoyé, on n'est plus personne ? Enfin, c'est un peu différent. Alors, le protocole BGP est un protocole normalement qui est itératif. C'est-à-dire qu'on n'envoie que les modifications qui sont apportées au réseau. Néanmoins, des informations dont on a à notre disposition, suite à une maintenance applicative, il semble que les sessions ont été coupées. Donc, les anciennes routes apprises ont été désapprises par les équipements, et ces pertes d'informations se sont propagées de proche en proche, jusqu'à ce que l'ensemble des routeurs d'Internet n'aient plus accès à Facebook. Ok, donc oui, c'est... On a quand même un gros pépin. Ce qu'il faut voir là-dedans, donc, parce que j'ai bien envie d'avoir votre expérience là-dedans, c'est est-ce que déjà ça vous est arrivé, quelque chose comme ça ? Est-ce que c'est quelque chose de classique ? Parce que ça a dû arriver à Facebook, ça a dû arriver à d'autres acteurs. Est-ce que vous avez déjà des cas personnels ou des cas connus? Des bugs sur Internet, personnellement, ça ne m'est pas arrivé, mais il y a eu par le passé des gros incidents. Il y a eu des bugs d'implémentation dans le protocole qui a fait qu'une partie d'Internet, suite à l'exploitation de ces bugs de protocole, s'est retrouvée injoignable par le passé. Il y a eu aussi, comme on disait tout à l'heure, BGP est quand même un protocole qui est basé sur la confiance. Il y a ce qu'on appelle vulgairement des hijacks, des personnes qui annoncent des préfixes qui ne leur sont pas attribués parce que certains acteurs sur la chaîne n'ont pas fait leur due diligence et n'ont pas filtré ce qui aurait dû être filtré. Donc, tout l'objet de BGP aussi, c'est que c'est aussi c'est le point qui est le plus fondamental, c'est que même si dans l'incident qui nous fait discuter aujourd'hui, c'est de la seule responsabilité de Facebook, mais la santé d'Internet tient à l'ensemble des acteurs de l'Internet. Et d'ailleurs, on peut citer de ce point-là Cloudflare, qui est un gros acteur qui essaye de pousser à une modification des bonnes pratiques de l'Internet avec quelque chose qui s'appelle le RPKI, qui pousse les acteurs à signer les préfixes qu'ils annoncent sur Internet. D'ailleurs, il y a eu un incident avec Cloudflare il n'y a pas quelques mois, genre Verizon Cloudflare, non ? Ou Verizon avait annoncé les IP de Cloudflare à la place, ou l'inverse, je ne sais plus, quelque chose comme ça. J'avoue que je n'ai pas connaissance de l'incident, mais c'est probable. J'avais vu quelque chose comme ça il y a quelques mois. Ouais. Bon, il faut voir qu'en fait, des incidents BGP, il en arrive quand même assez souvent. Il en arrive assez souvent. De manière plus ou moins legit. C'est ça. On sait que des fois, genre, la moitié du trafic d'Internet se retrouve en Chine pendant quelques secondes ou quelques minutes, comme ça, magie. Mais oui. Mais là, en fait, ce que j'aimerais avoir, c'est... J'aimerais essayer de me mettre dans la place d'un ingénieur de chez Facebook. Donc voilà, demain, je vous place avec votre connaissance, donc, qui est forcément parcellaire, puisqu'on n'est pas chez Facebook. Aucun de nous trois ne travaille chez Facebook, n'a travaillé chez Facebook. Mais voilà, on va dire que vous êtes à peu près dans votre boîte et il se passe ce problème-là. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui sans doute s'est passé, qui n'a pas marché, qui n'a pas fonctionné? Je vous mets, voilà, vous avez une alerte, il est 14h, heure de chez vous et... Alors, pour répondre à cette question, je vais revenir à un incident qui n'est pas lié à BGP, mais qui est lié au réseau en somme et qui est finalement un bon représentatif de l'incident. J'ai un collègue qui, par le passé, sur un équipement, a tapé une mauvaise commande et s'est retrouvé l'équipement inaccessible. Dans le pire des cas... Le dernier moyen de recours pour accéder à l'équipement et ce que Facebook était amené à faire, c'est se déplacer, brancher vulgairement ce qu'on appelle un cap console sur l'équipement pour aller enlever la ligne fautive. Mais normalement, c'est l'élément de dernier recours. Tout bon réseau bien conçu a un réseau qu'on appelle vulgairement le réseau out of band, à opposer au réseau in band qui est le réseau qui rend le service. Le réseau out-of-band, c'est le... Un réseau c'est, secours, en fait, c'est le réseau, un petit peu, pour citer avec l'industrie nucléaire, avec le générateur de dernier secours qui a été posé pendant le grand carénage. C'est le réseau qu'on va utiliser pour avoir accès à l'équipement, soit via un protocole IP, soit via un protocole série par IP, pour aller remettre l'équipement en service. Ce protocole out-of-band, ce réseau out-of-band chez Facebook avait un couplage fort avec le réseau in-band qui l'a rendu inaccessible. Donc, les ingénieurs de Facebook n'ont pas pu revert rapidement la conf qu'ils avaient mis en place. Deuxième élément qu'on peut lire sur les différents réseaux sociaux, il semblerait que des employés n'aient pas pu avoir physiquement accès aux équipements. Oui, parce que les badges étaient connectés sur le réseau de Facebook qui est lui-même tombé. C'est ce qu'on a pu donc, voir sur Twitter. L'un des premiers éléments... Parce que Facebook a ses propres data centers. C'est ça, si jamais je comprends bien. Parce que, c'est ce que j'ai compris, ouais. La plupart du temps, en fait, il y a un prestataire tiers qui est celui qui possède le bâtiment, data center, le bâtiment, et qui, lui, gère les badges et gère les accès. Oui. Là, on a un bâtiment qui est Facebook, avec un réseau Facebook, avec tout qui est connecté Facebook. Et je pense que même les bureaux entre guillemets tertiaires de Facebook étaient reliés sur les badges et même les badges d'accès, quoi. Pour avoir des informations sur d'autres GAFAM, il est assez fréquent même quand ces GAFAM s'installent sur des DC tiers que des contrats particuliers soient signés avec le data center pour que le GAFAM gère ses propres accès à ses cages, donc à ses équipements. Et donc potentiellement, et un défaut de cloisonnement entre son accès physique à l'équipement et le réseau qui permet de manager celui-ci. C'est marrant parce que ça, c'est... En fait, on peut comprendre pourquoi ils le font. C'est traditionnellement, je veux gérer mes accès, je veux avoir une certaine sécurité, etc. On a vu que là, la sécurité, donc en fait, avoir essayé de lutter contre des risques, parce qu'en fait, c'est ça, pourquoi ils veulent avoir un réseau à eux, c'est limiter les intrusions, limiter tout ça, etc. Ils voient que donc, cette limitation du risque leur a créé un nouveau risque à côté, c'est ça, qu'ils n'avaient pas prévu et pas anticipé. Après, en opération au quotidien, il faut bien avouer que dans la gestion quotidienne, même d'une infrastructure système, quand on a affaire avec certains grands data centers dont les gens du milieu, je pense, auront reconnu le nom à Paris, il est des fois très risqué de faire appel au personnel de proximité qui, des fois, s'avère plus nuisible qu'utile. Oui, mais là, pour le coup, oui, tu pourrais très bien avoir ta propre... Et dans une optique de protection des assets d'un grand provider de cloud, je peux comprendre qu'ils aient envie de se protéger de la médiocrité du data center dans lequel ils sont hébergés. Ouais, mais tu vois, là, ils se sont trop protégés et ça leur a porté défaut. Je pense qu'en fait, ils n'ont pas trouvé le bon équilibre entre leur propre réseau et vouloir absolument tout faire eux-mêmes et avoir un petit peu quelque chose à côté qui leur permette, en cas de défaillance complète comme on a pu voir hier, puisse leur sauver la vie. Ce qui leur a manqué, c'est une vraie procédure de dernier recours. C'est ça. Parce que les incidents du genre arrivent. J'ai eu l'occasion de mettre en place une automatisation réseau. C'est quelque chose qui évite beaucoup d'erreurs du quotidien parce que c'est un filet de sécurité, mais c'est quand l'automatisation elle-même devient défaillante, les impacts qui sont encourus sont forcément beaucoup plus importants. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Facebook. L'automatisation en elle-même a créé un nouveau risque. Oui, parce qu'on n'a pas... Enfin, j'ai peut-être pas assez bien écouté quand on a parlé tout à l'heure, Cécile, mais les causes exactes du pourquoi ça s'est passé... En fait, il semblerait qu'on ait commencé à avoir des pistes. Alors, j'ai lu en travers tout à l'heure le rapport complet de Facebook technique avant de commencer. Alors, de ce que j'avais lu hier et aujourd'hui, c'est en fait apparemment une erreur de conf qui s'est propagée à cause de l'automatisation et du coup, ça s'est propagé sur le réseau entier de Facebook. Ça m'a même l'air d'être un problème de test, en fait. C'est-à-dire qu'ils étaient en train de faire des tests, du monitoring, en fait. On en parlait tout à l'heure en off, c'est qu'en fait, apparemment, un ingénieur, enfin, quelqu'un a passé une mauvaise commande et ils avaient un système d'audit qui permettait de détecter en cas de mauvaise commande d'aborter le truc et d'annuler la configuration, et ce système d'audit a fail et du coup a propagé totalement la mauvaise configuration de partout. C'est un peu ce que j'ai lu en travers tout à l'heure juste avant dans le rapport Facebook. L'exemple que je connais, alors peut-être qu'il parlera pas beaucoup parce qu'il est assez vieux maintenant, c'était un bug qu'avait eu GitHub avait été down pendant un jour et demi je crois. Alors, on devait être en 2012, hein, quelque chose comme ça, donc ça fait un petit moment. Et on avait eu la cause, c'était qu'ils avaient eu un système automatique pour... GitHub est énormément couplé à MySQL. Et ils ont une base master, une base slave. Alors, on va dire ça, voilà, vous avez compris. Je l'avais lu ce rapport. Ce qui s'est passé, c'est que la base, donc il y a eu un split brain, un truc classique, un split brain entre le maître et l'esclave. Et le système automatique, en fait, a considéré que le système esclave devait passer maître. Et en fait, ils se sont retrouvés à avoir un double maître. Master, quoi. Ce qui est le truc le pire, parce qu'en fait, il a continué à avoir des écritures pendant un petit moment où, en fait, des gens ont continué de pusher, etc. Et donc, on continuait de faire des écritures. Et ils se sont retrouvés, heureusement, ils ont tombé assez vite le service. Et ils se sont retrouvés après à devoir recorréler les écritures dans les deux masters pour faire en sorte à les mains pour les faire converger. C'est pour ça qu'ils ont mis, un jour et demi. Et en fait, ce qu'ils ont dit ensuite, c'était que à partir de maintenant, ils ne feraient plus d'automatisation. Ils préféraient peut-être perdre 15 minutes le temps que quelqu'un se lève, le temps que quelqu'un intervienne sur le service et passe la base slave en master, mais en étant sûr que l'autre master est vraiment tombé et pas juste voit plus l'autre, mais il préfère maintenant ne plus automatiser cette charge-là. C'est tout le problème des tiebreakers qui, je pense, sur ce cas bien précis, auraient dû situer sur un troisième site correctement interconnecté avec les deux premiers Et oui, c'est oui. Un cas, pour le coup, on parle ici d'un cas classique. Ouais, on rappelle qu'un quorum, c'est 3, c'est pas 2. Si jamais vous avez 2 data centers, vous avez aucune vous avez aucune résilience. C'est à partir de 3 qu'on a une résilience de 1. Je crois que c'est un truc qu'il faut absolument dire, parce que je reconnais plein qui avaient 2 data centers et qui se disaient qu'ils avaient une redondance. Non, c'est 3. N'oubliez pas, c'est 3. Bah, il suffit que, ça, comme on disait tout à l'heure, ça split brain et puis les deux passent en prod, entre guillemets, on va dire. Et puis, oui, ou alors les deux sont tombés parce que l'un ne voit pas l'autre, etc. Il y a obligatoirement d'avoir au moins un arbitreur. Moi, là, ce que je trouve assez intéressant là-dedans, c'est qu'on a vraiment Facebook, on en disait un peu en off, qui est vraiment dans une intégration verticale totale. C'est-à-dire qu'en fait, ils maîtrisent absolument tout, du data center jusque... Au démon BGP qu'ils ont écrit eux-mêmes. Oui. Ah oui, rappelons-le. D'accord, ok. C'est des routeurs maison qu'ils ont de souvenir. Les routeurs, enfin tout le réseau est fait maison. Pour le coup, ils font ce qu'on appelle de l'open networking, donc un équipement réseau qui dispose certes de matériel spécifique, mais dont l'OS de base est purement libre et sur lequel on vient rajouter des composants selon le service que l'équipement doit rendre. Mais des composants soit libres, soit développés maison. Alors, on parle de gestion et ça me fait penser à ce que j'ai lu hier. J'avais lu hier qu'en fait, il y avait les gens qui étaient dans le data center qui n'avaient pas la compétence de remettre en route le routeur et les gens qui pouvaient mettre en route le routeur n'avaient pas la compétence d'aller en data center et brancher le câble. Et en fait, je trouvais ça super marrant que les compétences soient tellement séparées qu'en fait, t'es obligé d'avoir plein d'équipes différentes pour pouvoir résoudre un problème. C'est tout le problème de l'effet silo des grands groupes. Et en fait, c'est un truc que tu retrouves beaucoup dans les grands groupes, mais que dans mon job ou genre dans d'autres jobs où on est genre 15 dans une boîte, tu ne retrouves pas en fait. Et je pense que c'est le problème des gros groupes où en fait la compétence se sépare beaucoup trop. Et à un moment où genre t'as une panne, bah t'es obligé d'avoir 15 personnes pour réparer la panne quoi. Là, on est dans des questions organisationnelles. C'est d'ailleurs l'un des grands principes des jeux de gestion. C'est que quand la structure grossit, il vient un temps où les frais de gestion de cette structure sont plus importants que les gains apportés par la structure. C'est marrant d'ailleurs, ça me fait penser, là je réagis en direct, je sais pas si c'est une urban légende ou je sais pas, mais ce qu'on appelle la Two Pizza Team. La Two Pizza Team, c'était de dire, je crois que c'était un manager chez Spotify qui disait, pour n'importe quel problème, je dois être capable de mettre 2 pizzas dans une salle et que les gens puissent résoudre le problème. Ce qui disait qu'en gros, une équipe doit pas être plus grande que 8 personnes. Ouais. Ça dépend de la taille des mangeurs de pizza. Hein, mais on avait un peu ça. Et en fait, là, c'est vrai que c'est quelque chose qui était assez impressionnant. C'est qu'en fait, on avait... C'est même d'ailleurs... Des gens en parlaient sur Twitter hier en se disant « Imaginez qu'il y a peut-être un gars qui est encore à l'intérieur des locaux, qui est un technicien qui n'a jamais touché à une machine de sa vie, et il y a des gens qui, à travers la paroi, en gueulant à travers un mégaphone, sont en train de lui dicter des commandes à taper dans un équipement réseau. » Parce que le gars ne pouvait même pas rentrer parce que les badges étaient en panne, quoi. C'est ouf, quoi, de s'imaginer ça. Et étant donné l'environnement d'un data center, c'est assez peu probable, étant donné que la plupart des data centers sont plutôt proches de la cage de Faraday, donc aucun moyen de communication et beaucoup de bruit. Mais bon. D'ailleurs, tu parles de cage de Faraday, mais ça me fait penser que hier on a découvert aussi que tous les services, non seulement Facebook, Instagram et WhatsApp étaient down, mais les services internes de Facebook aussi étaient down. Donc ça veut dire que les gens ne pouvaient pas communiquer via les messageries internes et étaient obligés de communiquer par SMS ou via des messageries, des boîtes mail externes en fait, qui n'appartenaient pas à Facebook. J'irais même beaucoup plus loin. C'est que c'est bien d'avoir un système de secours. Semble-t-il, ils avaient un réseau IRC de secours. C'est encore mieux quand ce réseau de secours est testé régulièrement. C'est vrai. Mais là, on rentre dans un problème de gestion de la sûreté, comme on peut voir dans l'industrie aéronautique ou ferroviaire ou même nucléaire. C'est que la cause d'un accident est multifactorielle. Et ici, c'est une erreur de conf. L'impossibilité d'accéder physiquement à l'équipement et le fort couplage entre le réseau in-band et le réseau out-of-band. L'impossibilité de communiquer en équipe aussi. Et les mécanismes de protection qui ont été défaillants. En fait, ça a fait un tout, ça a fait une panne impressionnante qui a duré plusieurs heures. Il serait absolument inconvenant d'associer cette simple erreur au technicien qui a tapé une mauvaise commande. L'erreur est organisationnelle et non liée à un individu. Et justement, quand on vient sur cette... c'est pour ça qu'on est dans DevOps. Il y a un petit lien quand même avec tout ça. On n'est pas que dans du réseau. J'avais, là, je vais donner mon expérience un peu personnelle par rapport à Facebook. J'essaie de retrouver là les emails que j'avais eus, mais ça remonte un peu. Ça devait être en 2012-2013. J'avais déjà été contacté par Facebook pour rejoindre leurs équipes. Et leur motto, c'était « Move fast, break things ». Oui. Ce qui était très différent, puisque en fait, moi, quand, dans mon premier boulot, je me souviens, j'avais un manager qui était arrivé devant moi et qui m'avait posé un papier parce que j'avais fixé un serveur XMPP à l'époque, mais que j'avais fait tomber le service pendant 15 minutes. Il m'avait mis un papier me disant « Don't fix when it's not broken ». Voilà, c'était, il m'avait posé ça, je me souviens, devant mon bureau. J'étais encore stagiaire à ce moment-là, stagiaire sorti d'école. Et quand j'avais vu ce truc de moto de Facebook, j'avais été un peu impressionné. Je crois que j'avais fait un premier entretien avec eux, mais le jour où ils m'ont demandé toutes les sorties de SH, qu'est-ce que ça fait, dollar point d'interrogation, dollar machin, dollar truc, etc., j'ai vite arrêté. Et quelques années plus tard, j'avais été recontacté par l'équipe de recrutement de Facebook. Et là, pour le coup, ils avaient rajouté quelque chose. C'était « Move fast, break things, but make it working » ou un truc comme ça. Il y avait eu un « but ouais. » et maintenant, il n'y a même plus. C'est même plus le motto, enfin, à mes souvenirs, il n'y a même plus le motto. J'ai vu ça sur Twitter que, en fait, ça avait existé, comme tu disais, vers 2012-2013 et que, en fait, depuis quelques années, ils avaient arrêté parce que... Je sais pas. En fait, j'aime bien le concept de... expérimente, on en a déjà parlé en off plusieurs fois, expérimente, fait des choses, mais genre, il faut que ça marche, quoi, à la fin, tu vois, je comprends beaucoup l'intérêt, mais en fait, là, ils sont, je pense, dans une position où c'est trop risqué de faire quelque chose par peur de casser, tu vois, ils ont l'effet inverse de l'époque, Ils ont eu 7 heures dedans. Mais ce dernier point, ça veut dire simplement qu'on remet l'utilisateur en face à ses responsabilités, et en fait, c'est la culture du blâme. Et donc, c'est pas quelque chose qui pousse à faire évoluer les choses, c'est pas quelque chose qui pousse à essayer de se remettre en question et d'essayer de corriger les problèmes de fond. Parce que ça implique souvent des chantiers qui sont compliqués et des chantiers qui sont risqués. Et là, la question, c'est... donc, je sais que sans doute dans les équipes de Facebook, il y a quand même... Enfin, dans les équipes de dev, il y a quand même du SRE en mode poussé. Donc, cette culture-là, peut-être qu'elle existe encore dans plein d'endroits. Moi, c'est vraiment genre sur cette partie réseau, j'ai l'impression qu'en fait, c'est un contexte un peu particulier. Moi, de mon expérience dans les sociétés où je suis passé, qui étaient un peu grosses et qui faisaient de la publicité et qui commencent par un C, on avait c'est un peu ce problème-là aussi, ce truc où l'infrastructure réseau, c'était un peu un truc un peu différent, avec des pratiques différentes, avec un esprit différent. Est-ce que à l'heure actuelle, vous pourriez implémenter cette culture-là? Donc, tu avais dit qu'il fallait avoir des procédures de test, des choses comme ça. Est-ce que demain... si jamais je vous donne l'infrastructure de Facebook, comment vous implémenteriez ce type de logique, d'apprentissage, de test, de chaos engineering, comme on le dit un peu dans l'univers Netflixien? Tout le problème du réseau, c'est que quand quelque chose est cassé, bien souvent ça se voit, et ça a des impacts qui sont extrêmement conséquents et des impacts qui sont en vague. Prenons un exemple, je vais revenir sur l'incident technique mentionné précédemment, mais sur la suite de l'incident. C'est que le fixe en lui-même de l'incident d'un point de vue réseau, c'était retirer une ligne de configuration. Ce qui littéralement prend 2 minutes, il y a plus de temps pour se déplacer pour enlever la ligne que de retirer la ligne en elle-même. La vraie question, c'est que cette ligne a eu des impacts réseau et, par exemple sur le système, cause des split brains. Et que donc, il y a une culture du risque en réseau qui est beaucoup plus importante. Et surtout que, par exemple, à l'échelle de Facebook, tu n'impactes pas que Facebook, mais tu impactes tout le réseau toute en entier. Toute la galaxie Facebook. Toute la galaxie Facebook, et puis tu impactes indirectement les services qui utilisent Facebook. Facebook ne marche plus. J'avais vu un tweet hier, d'ailleurs, ça me fait penser à ça. Tu pouvais plus te connecter à Airbnb si tu avais un compte Facebook. Donc tous les gens se retrouvent à la rue parce qu'ils pouvaient plus se connecter à Airbnb. Pareil. Ah oui, ils pouvaient pas rentrer dans leur maison. C'est ça. Faut pas oublier aussi que le secteur de marché de Facebook, ce n'est pas les réseaux sociaux, mais bien la publicité et le targeting d'utilisateurs. Et que de ce fait, plein de sites ont des boutons j'aime et des pixels Facebook et de l'intégration Facebook. Et ces intégrations ont aussi eu beaucoup d'impact en termes de lenteur d'accès et potentiellement, sur certains sites, de taux de conversion. Parce que quand le site est lent, on n'a pas forcément envie d'acheter. Et donc, comment vous feriez pour faire en sorte de... Est-ce qu'il existe à l'heure actuelle, genre, je ne sais pas, des papiers, des gens, des sociétés qui vous semblent être à la pointe de ce type de technologie ou de test ou de pratique, de bonne pratique là-dedans, qui serait un peu moins conservateur peut-être? Quelles seraient à l'heure actuelle les bonnes pratiques qui existent dans ce domaine-là? Est-ce qu'il y en a peut-être? Peut-être qu'il n'y en a pas. Hein, Chaque société a sa vision différente du réseau et chacun la gère un peu. Enfin, c'est très compliqué d'avoir une bonne pratique en particulier parce que chaque réseau est différent, tu t'interconnectes différemment, enfin, t'as des tailles différentes. Enfin, t'as... Alors, je vais être un petit peu pompeux avec mon expérience. J'ai tendance à dire que le réseau a à peu près 10 ans de retard sur le système et que... lui-même 10 ans de retard sur le développement. Et ça perd beaucoup. Je pense, pour le coup, que le réseau aujourd'hui est seulement en train de commencer à adopter, par exemple, les reviews de code, les reviews de configuration sur GitLab, l'industrialisation. C'est très récent. C'est quelque chose qui est du domaine des 3-4 dernières années. Alors, ne parlons pas de tests unitaires, de tests AB. Souvent, la première limite de ça, c'est que le réseau, nous l'oublions pas, est quand même, pour beaucoup de boîtes, un environnement très fermé et très propriétaire. Et que même si les protocoles sont standards, leur implémentation ne le sont pas. Et que souvent, on n'a pas forcément beaucoup de marge de manœuvre pour tester que l'implémentation du constructeur ou que la conf qu'on implémente chez tel constructeur est valide. Parce que, faut pas l'oublier, c'est que les budgets qui sont en jeu pour le réseau sont extrêmement conséquents. Et que pour arriver à avoir des tests d'intégration qui soient cohérents, souvent, il faut quasiment disposer d'une réplique du réseau. Parce que beaucoup de bugs en réseau sont liés non pas à l'implémentation logicielle, mais à l'interaction subtile entre le logiciel, le matériel et des fois les ondes électromagnétiques. Enfin oui, moi c'était l'expérience quand je travaillais donc chez CloudWatt, on avait, et comme on est dans beaucoup de boîtes, on avait que en prod un gros F5 matériel avec le rack qui vaut 20 000 balles, etc. Et en fait, en dev, on avait un HAProxy des familles configurées par nous-mêmes. Et à chaque fois qu'on passait en prod, bah, on avait un problème, quoi. Enfin, c'était... Après, il ne faut pas oublier que genre, le réseau, c'est le cœur de métier de très, très, très, très, très peu de boîtes, en fait. Et donc, du coup, c'est très difficile d'avoir quelque chose similaire à du code ou à du système. En fait. Et j'ai même envie de dire que beaucoup d'ingé système, je l'ai encore vu aujourd'hui avec mes collègues au travail, ont même peur du réseau. Exactement, ouais. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont peur du réseau, même des gens de la tech qui ont peur du réseau. C'est marrant, en 2010, donc dans ma première boîte, on avait un pari, d'ailleurs il tient encore, il est presque fini ce pari-là. j'avais parié qu'il n'y aurait quasiment plus d'ingé réseau en France dans 10 ans, donc c'était en 2020. Est-ce que j'ai raison ou pas? Est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a quasiment plus d'ingé réseau Je pense qu'il y en a autant qu'avant. C'est juste que les autres domaines de la tech se sont développés. Principalement le développement avec les cours « Deviens développeur en 10 minutes ». Le sysadmin reste encore un peu accessible étant donné qu'on peut tous un peu monter sa petite VM chez soi relativement facilement aujourd'hui. Par contre, on veut entrer dans le réseau, c'est tout de suite un billet à sortir et il faut avoir des connaissances et souvent on entre au réseau après être entré au système. C'est ça. Ou alors on le découvre dans ses formations. C'est ça. Soit tu as des connaissances qui font déjà du réseau et qui t'apprennent, soit tu découvres par hasard et puis tu d'où fais toi-même, aussi... soit tu achètes du matos. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué d'apprendre le réseau que d'apprendre le système. Bah, moi, le réseau, j'ai l'impression que en fait, t'apprends le réseau quand t'as ton badge certification plus 6 en Cisco. enfin, moi, j'ai toujours vu ça comme ça. Hein. Le gars du réseau, c'était le gars qui avait une certification plus 1000 de Cisco. J'ai l'impression de voir un avant-vente Cisco à chaque fois qu'on avait un gars. Enfin, bon. Ouais, c'était comme ça que je voyais les gars du réseau. Hein. C'était... Alors, entendons-nous bien, c'est quand même vachement moins vrai aujourd'hui, surtout chez les petits opérateurs locaux et les gens qui essayent d'être un peu intelligents et se sortir un peu des constructeurs. Mais c'est vrai que l'esprit communautaire se retrouve beaucoup dans le réseau et c'est un petit peu aussi le fondement d'Internet. C'est Internet, faut pas l'oublier, ça a commencé par 3 universités qui ont tiré un câble et qui se sont liées l'une à l'autre. Et tenez, voilà Internet. Mais justement, est-ce que demain, la révolution qui s'est passée dans le monde de l'Ops, personnellement en tout cas, ça a été la standardisation dans le bon sens du terme, je déteste ça pour les gens qui me connaissent, mais ça a été le fait de pouvoir partager des bonnes pratiques. Vous avez dit tout à l'heure que, Cécile, t'as dit que chaque réseau était différent, etc., etc. C'est assez drôle, c'est quelque chose que j'entendais au début où je travaillais, donc pareil, il y a 10 ans, j'en ai ça en mode, on peut pas faire la même infrastructure qu'à côté parce qu'on a des besoins différents, on n'est pas les gens d'à côté, etc. Après, et aujourd'hui... Tu as des trucs qui s'appellent des RFC qui standardise entre guillemets oui. les bonnes pratiques. Enfin, c'est des recommandations, c'est pas des obligations. Non, mais les RFC ouais, te donnent des. Ouais. J'avais personne à implémenter une RFC. Faut non, mais les RFC standardisent les protocoles. Voilà, les protocoles, oui, mais. Mais là, pas leur implémentation, voilà, pas l'architecture. Alors. Est-ce qu'il ne faut pas demain une grande révolution de l'open source ou l'open network, tu en as un peu parlé, enfin c'est... Alors, il y a deux choses. Il y a la partie physique et il y a la partie architecture. Sur la partie architecture, on en est encore très loin parce que beaucoup d'employeurs et beaucoup de boîtes considèrent que leur configuration réseau, ne serait-ce que les ranges d'IP qui sont pourtant publics, qui leur ont été attribués par les RIR, le fait même de citer ces informations au public et de communiquer sur les choix de design qu'on a fait en réseau est un secret industriel. Oui, non, mais moi, mes secrets Terraform, tu les connais pas. Pourtant, je peux te donner à peu près mon code Terraform, mon provider même, Terraform. Non, mais même sans donner ces variables-là, le simple fait de décrire l'architecture sans donner d'informations d'adressage est considéré pour beaucoup de boîtes comme un secret industriel. Ah oui, mais là, on est vraiment dans une révolution. Enfin, moi, c'était avant même de rentrer dans une révolution technique, il faut rentrer dans une révolution. Les deux vont ensemble. Enfin, en tout cas, pour le système, qu'est-ce qui a créé cette révolution-là? C'est des outils qui ont obligé à passer à ces systèmes-là. C'est-à-dire qu'en fait, personne n'y serait passé avant. Tout le monde aurait toujours continué à avoir ces scripts bash, vm.sh, newvm.sh. Attends, combien de fois je les ai vus, ces scripts-là? J'ai un Kubernetes, kubectl apply, et j'ai quelque chose. Je sais pas ce qu'il y a dans le kubectl, c'est ton logiciel. Mais prenons l'industrialisation réseau et prenons ce que c'est. Il a dit, imaginons-nous qu'on ait un opérateur. L'opérateur va vouloir transcrire dans son industrialisation réseau les offres et comment il la vend au client. Donc, dans l'industrialisation réseau, se trouve quelque chose qui définit sa particularité commerciale. Donc, il y a quelque chose qui est lié à son biz et qui peut rentrer dans le domaine du secret industriel. Mais par contre, dans d'autres cas, dans le domaine hors opérateur où le réseau est un outil et non pas un service, je pense que de plus en plus de boîtes vont peut-être finir par communiquer leur configuration. D'ailleurs, on a eu un exemple récent de Shadow qui a publié en ressources libres son orchestrateur et l'ensemble des confs liés à deux data centers qu'ils ont décommissionnés. Ça va dans le bon sens, mais on a encore énormément de chemin. Bah, il faudrait que quelqu'un utilise cet orchestrateur-là, en fait. Et toi, Cécile, enfin, t'es jeune dans le métier, on va dire, pas les vieux cons qu'on peut être. Toi, justement, tu vois ça comment à l'heure actuelle toute cette partie industrialisation, je sais pas, est-ce que tu viens avec un œil neuf dans ce domaine-là ou pas, ou est-ce que c'est pour l'instant en apprentissage? Est-ce que t'apprends le nouveau ou pas? Enfin, c'est ça le. Bah, j'ai un côté où tu vois, quand je me dis ce qui s'est passé avec Facebook et je me dis ouais, bah l'automatisation, enfin, finalement, ça a pas l'air si ouf que ça. Puis je me dis d'un côté, l'automatisation, ça peut être vachement pratique et surtout si tu gères plusieurs data centers dans plusieurs pays différents, ça peut être ouf pour pêcher des configurations facilement, mais. Pour moi, il y a toujours un juste milieu entre faire quelque chose manuellement pour être sûr et faire complètement confiance à l'automatisation, tu vois. Enfin, milieu. Moi, je suis entièrement... Enfin, là, moi, à l'heure actuelle, si jamais je donne mon avis sur ce qui s'est passé, c'est pas tant qu'il y a eu un problème. Les problèmes, ça arrive, l'automatisation, bien sûr. Le chaos engineering. Je pense même d'ailleurs que Facebook devrait tomber régulièrement. C'est un site qui est assez gros pour tomber régulièrement. Le problème, c'est... Le régulièrement est 7 heures. Ouais. C'est 7 heures le vrai problème. C'est comment ils n'ont pas pu avoir accès à leur out of band et comment n'ont-ils pas pu accéder physiquement aux équipements. Comment ça se fait qu'ils ne l'aient pas vu avant qu'ils avaient ce couplage-là. Le problème, en fait, c'est qu'ils ont créé un château de cartes. Et qu'en fait, ils ont fait confiance au château. Et c'est vraiment un problème que je vois régulièrement là-dedans, c'est qu'en fait, on se met à être de plus en plus frileux, etc. Donc, ils ont enlevé le move fast. Pourquoi? Parce qu'en fait, au fur et à mesure, ils n'arrivaient plus à résoudre les problèmes. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont créé une architecture basée sur des sables mouvants, enfin, basée sur lui-même. Sur des process type ITIL et compagnie. Personnellement, dans une fiche de poste, quand je vois écrit ITIL, je fuis. Oui, mais c'était un peu le... Moi, quand j'ai entendu RACI en mode la prochaine fois qu'il faut mettre en prod, il va falloir faire plus de RACI, plus de trucs comme ça. J'ai avalé mon vomi. Enfin, vraiment. Si je puis me permettre, c'est un peu les chefs de projet Pousse Propel qui sont un peu trop RACI à mon goût. Hein. Ouais, donc enfin là-dessus en fait c'est en fait pourquoi je pose la question là-dedans c'est pas vraiment c'est pour ça que je demandais s'il y avait des bonnes pratiques modernes etc qui étaient peut-être celles qui n'étaient pas adoptées par l'industrie mais apparemment alors il y a des protocoles qui commencent à se développer aujourd'hui que ce soit sur les infrastructures data center où on parle des infrastructures VXLAN VPN qui se développent de plus en plus, qui d'ailleurs, en fait, quand on regarde un petit peu les infrastructures de Facebook, on retrouve ce type d'infrastructure qui est mise en place. Y a des protocoles standards qui commencent à se mettre avec finalement peu de différences d'implémentation. Donc peut-être que dans les prochaines années, on verra une forme de standardisation. Mais je pense que l'industrie, je pense que je pense même, quoi. Oui, parce que là, c'est peut-être aussi une faute d'architecture. Hein. C'était ça le problème. En fait, c'était ce qu'on disait aussi avant. C'était comment c'est possible que ce soit et tout Facebook, et tout Instagram, et tout WhatsApp. C'est OK, c'était peut-être entre guillemets moins cher, où il y avait une visibilité d'être moins cher. Mais si jamais t'as automatisé, que t'aies automatisé un AS ou que t'en aies automatisé 1000, ça, c'est un coût identique. Et c'est pour ça que je ne comprends pas comment ils ont pu mettre tous leurs œufs dans le même panier là-dedans, surtout s'ils ont de l'automatisation. Oui. Vraiment, j'ai du mal à comprendre ça, à quel point ils ont été blind sur un problème là-dedans. Après, logiquement, s'il s'agissait que des routes au DNS, une erreur aussi, c'est que les bonnes pratiques du DNS visent à héberger une partie de leur DNS hors de l'AS de Facebook, pour limiter les risques. Mais ils auraient peut-être dû avoir un AS pour le DNS, un AS pour Facebook, un AS pour... Techniquement, ce qu'ils auraient pu faire, c'est avoir un AS par grand produit et héberger leur DNS commun à l'ensemble des produits sur plusieurs de ces AS. Aussi. Voilà, après, ça a été un choix, en fait. C'est un choix, ils se sont pas rendu compte des conséquences. Et puis, c'est simplement ça. À force de vouloir rationaliser les coûts, c'est ça. Ils en ont oublié la résilience. Mais pour le coup, dans le cas de Facebook, je pense même pas que c'est une question de coût. Je pense que c'est une boîte qui a pas de problème comme ça. C'est souvent même un problème de l'esprit, enfin de la volonté de réduire en se disant ça sera plus simple à gérer s'il y en a un. C'est un truc que j'entends toujours. Je l'ai encore entendu cet après-midi dans une de mes réunions, qui était le but, c'était de rationaliser. Et en fait, cet esprit de rationaliser, c'est quoi ce qui est rationnel en informatique? Bah là, on l'a vu là-dedans. Et ça me rappelle en fait donc un talk que j'ai fait sur le risque il n'y a pas longtemps, où en fait souvent justement on essaye de limiter l'occurrence, c'est-à-dire on se dit « Ah non, mais si on l'a une fois, l'avantage c'est qu'on peut le bichonner comme il faut et faire en sorte que ça n'arrive pas. » Bah non, on a un système d'audit, on a un système de machin, on essaye de limiter l'occurrence d'un problème. Et en fait on oublie la gravité. C'est-à-dire qu'en fait les problèmes, shit happens, ça va arriver un problème. Mais d'avoir mis tous ces œufs dans le même panier, c'est sûr et certain que le jour où tu as un problème, il est échelle fois 1000. Et je trouve ça en fait assez grave qu'il ne l'ait pas vu et qu'il n'ait pas essayé de mieux le gérer. Alors après, on n'a pas les détails de tout ce qui s'est passé. Dans la gestion du risque, dans l'analyse de risque, si elle est bien faite, ce que peu de boîtes font, pour des vrais experts de la sécurité informatique, le risque, normalement, c'est un produit entre l'occurrence et la sévérité. Et la détectabilité et le troisième facteur que j'ai trouvé, parce que j'avais un talk là-dessus il y a longtemps, c'est occurrence, gravité, détectabilité. Ça veut dire si jamais tu as quelque chose qui n'est pas grave, qui arrive peu souvent, mais que tu détectes pas et qui va rester là pendant des années et des années, ça devient un problème à terme. Genre les backups. Les backups qui sont pas faits. Et les backups qui plantent. Les backups qui plantent et que tu le sais pas. Et que bon, c'est pas vraiment très grave sur le moment. T'apprends d'aller pas tomber. Sauf le jour où t'en as besoin. Voilà. Donc la détectabilité d'un problème, un risque, c'est important. Tu peux avoir des problèmes silencieux et c'est très très grave dans ton infra. Et le dernier, c'est l'acceptation. Tu peux très bien avoir des problèmes qui sont en fait que tu rends acceptables. Je sais pas, par exemple, tu perds tes DNS. C'est grave, mais c'est pas extrêmement grave si jamais dans ton application mobile, et ben en fait il y a les routes qui sont les IP qui sont hardcodées. Ça va même. Voilà, cette notion d'accessibilité, elle va beaucoup plus loin. Imaginons, t'es une boîte qui livre des cartons. Bon, si tu perds ton site vitrine parce que t'as perdu les DNS, bon, l'impact est très faible. Ça peut mourir une semaine, ça va pas faire ton business. Si t'es Facebook qui dépend de la publicité, qui dépend des hits qui y sont associés, pour le coup, l'acceptabilité est plutôt nulle. Oui, on a vu qu'ils ont perdu 5% en bourse pendant la panne. Hein. Voire plus. Surtout qu'ils ont eu là la personne qui a. Alors, j'ai pas trop suivi le Il y a eu une lanceuse d'alerte. Voilà, encore, une lanceuse d'alerte sur ça, plus toutes les enquêtes internes sur le fait que Instagram était nuisible pour les jeunes. Ils ont été auditionnés aujourd'hui. Hein. Donc, on a vraiment un truc. Mais, et puis, même en perte, apparemment, c'était plus de 100 000 euros par minute, la perte là-dedans. Moi, je me souviens, genre, quand j'étais dans les boîtes d'avant, oui, j'étais à peu près à ça, on était à 100 000 euros, mais je sais plus si c'était par heure ou par 10 minutes, un truc comme ça. Mais on savait que, genre, c'était le salaire d'un ingénieur par tranche de 10 minutes, quoi. Enfin, c'était quelque chose comme ça. Ce qui fait d'ailleurs que je suis déjà allé voir mon patron en disant, bah voilà, tu me laisses faire quoi que ce soit, mais je t'enlève 10 minutes de down par an, quoi, en fait. Et tu me laisses faire du Kubernetes plutôt que faire de la merde en Mesos. Tout le monde reconnaîtra. et voilà, mais ça pouvait devenir, et c'est pour ça que souvent il faut le lier. T'as dit tout à l'heure, Alexis, que c'était cher le réseau. Oui, mais c'est cher d'avoir un mauvais réseau. Et c'est ça souvent qui, là, dans ce cas-là, je pense que les gars doivent s'en mordre les doigts de se dire, putain, si on avait eu un deuxième AS, on aurait peut-être eu moins de problèmes. Ok, ça nous aurait coûté X milliers d'euros en plus. Le pire, c'est que la ressource l'AS en lui-même, ce n'est pas une ressource qui est facturée à proprement parler. Non, mais l'équipement, on va dire. L'équipement et la gestion. Voilà. Oui. L'équipement et les ingénieurs qu'il faut pour le maintenir. Mais même une équipe totale. Il faudrait faire là le calcul du coût. Mais genre, ça veut dire combien d'ingénieurs à plein temps depuis la création de Facebook ? Genre, qui pouvait mettre juste à gérer un AS en plus pour éviter un problème aussi grave que ça. Non, même gérer mieux l'out-of-band, ça aurait carrément suffi. Voilà. Genre, simplement, avoir un meilleur réseau d'out-of-band et la panne, c'était réglé en fois une heure grand max. Pour citer certains grands opérateurs français, eux ont standardisé leur out-of-band et l'ont totalement découplé, étant donné que pour contacter leurs équipements, ils ont collé au cul de leurs équipements un modem. Ils ont trouvé une solution qui était appropriée à leurs besoins, mais qui leur permet, simplement parce que le protocole est décorrélé du reste, de clairement isoler leur out-of-band de leur IP. Après, il y a toujours un problème, c'est que n'oubliez pas que genre Who Watch the Watchmen, et en tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé en prod, que le réseau d'IPMI, qui est un peu l'out-of-band des machines physiques, et ben, ce soit lui qui fasse crasher le DC. Tout le DC, en entier. Et puis, en fait, tous les autres DC à côté pour plein d'autres raisons, etc. Mais en fait, il y a eu un bug réseau, encore un, sur le réseau d'IPMI qui a fait entièrement crasher tout le data center. Et voilà. Donc, en fait, il faut faire toujours attention à ça. Et même, je donnais d'autres exemples dans d'autres boîtes où c'était le monitoring qui avait fait un DDoS interne et qui avait fait tomber toutes les API clientes. Faut aussi faire attention à ça, qui est qu'il faut pas oublier, enfin, et c'est peut-être ça d'ailleurs le problème, c'est que l'out-of-band aurait dû être un produit avec sa propre SLA, avec ses propres tests, avec ses propres choses comme ça, alors que souvent, c'est un produit annexe de la même équipe qui en aura besoin plus tard, en fait. Et alors, c'est peut-être ça le problème. Ça va même être pire, c'est que souvent, l'out-of-band, c'est construit avec les restes de la génération N-1 du réseau. Hein. On a tous connu les vieux Cisco 2960 en réseau out-of-band. Ça marche, c'est rock solide, mais c'est monoalim, c'est souvent pas monitoré, et qu'on se rend compte souvent que le truc est inaccessible quand on en a besoin. Après, ou alors pire, c'est au moment où t'en as besoin, en fait, que tu le stresses un peu et que c'est là où il crache. Quoi. Enfin, c'est ça, ouais. Après, les contraintes de service en termes de débit et d'accès sur ces réseaux sont souvent plutôt faibles. Donc, généralement, les contraintes techniques qui sont associées sont plutôt faibles. Par contre, il y a souvent sur ces réseaux un vrai défaut de monitoring et un vrai défaut de suivi. Et c'est ce qu'on disait, ne serait-ce qu'avec les moyens de communication de dernier recours de Facebook. C'est que c'est des moyens dont on ne se sert pas ou peu. Donc, on ne se rend compte qu'ils sont cassés que le jour où on en a besoin. Mais ça, mais pour régler ça, moi, la seule solution que je connais, c'est le chaos engineering. Hein, ils auraient dû casser leur AS à un moment et se rendre compte qu'ils ne peuvent pas le casser, donc c'est qu'il y a un problème. En fait, il aurait dû y avoir quelqu'un qui arrive et qui fait... Bonjour l'AS, oups, il n'y a plus d'alimentation dessus, c'est pas ça. Et c'est ça qui aurait dû se passer, en fait. Il aurait dû y avoir quelqu'un qui a les couilles d'aller fermer un équipement qu'il sait être un équipement prioritaire, un équipement... Non, mais là, ça soulève un autre problème, c'est qu'il y a un SPOF. Ouais, c'est comme ça que tu peux après aller voir un directeur financier ou n'importe quoi en disant, bah regarde, j'ai éteint un composant à un seul endroit de notre infra, malgré tous les ingénieurs qu'on a, malgré tous les équipements qu'on a, malgré tous les data centers, on a perdu le service. Donne-moi de l'argent pour régler ce problème. Mais c'est tout le problème de la gestion de la dette technique et du legacy, parce qu'il faut produire, livrer, faire entrer de nouveaux clients, faire de nouveaux biz. Mais par contre, c'est vraiment pas sexy de gérer l'infrastructure qu'on a actuelle et de la maintenir en conditions opérationnelles. Si on prend le cas de Facebook, le réseau, c'est un coût et c'est pas des revenus. C'est ça, c'est toute une question de gestion de centre de coûts et de choses court-termistes. Et finalement, on le retrouve, toutes les boîtes ont cette propension à un moment ou à un autre à le faire. Mais d'où la question de budget là-dedans et de montrer que ça ne marche pas. Enfin, moi, vraiment, ça aurait dû être fait. Apparemment, ce n'était pas fait chez Facebook. Sinon, il n'y aurait pas eu ce problème-là. On peut imaginer, en tout cas. Et voilà. Je ne sais pas si on arrive déjà presque à l'heure pour parler de ce sujet-là. Je ne sais pas si vous avez encore quelque chose en particulier que vous avez vu, que vous auriez aimé parler. On a fait le tour, je pense. Je pense qu'on a pour le coup fait un très bonne vision. Tour là-dedans, qui est plus simple à faire que des résumés en tweet, même dans un grand thread. Et c'était tout l'intérêt là-dedans. Ce sujet s'est rajouté un peu au dernier moment. Mais bon, je trouvais ça assez bien d'en parler là. Et puis, j'avais accès à deux personnes du réseau. L'occasion fait le larron. Exactement. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup pour ce numéro spécial sur le réseau, quelque chose qu'on n'avait encore jamais eu dans DevOps. Et alors, n'hésitez pas à rejoindre, pour ceux qui écoutent ou les auditeurs, le Discord si vous le voulez. N'hésitez pas à venir partager partager avec nous sur le Discord et même à venir dans le Discord, dans le DevOps, dans les podcasts, je vais y arriver. Et parce que je suis à la recherche toujours de personnes pour discuter là-dedans de tous les sujets, donc vraiment de manière très très large, même si vous avez envie de faire le candide, de venir juste être en direct pour poser des questions. C'est ce qui est vraiment très intéressant. Donc, n'hésitez pas à venir participer, à proposer vos sujets. Ça peut être plus court que ça. On peut même faire ça en remote. Là, on était joie de l'après-Covid en physique ensemble. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est enregistré sur YouTube en direct. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à vous inscrire à la chaîne pour avoir les notifications. Et voilà. Eh bien, merci beaucoup. C'était avec grand plaisir. C'est ça. Ouais. Eh bien, merci. Et puis à une prochaine. Yes.